Rebonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, que Apolline vous attend et Manu vous attend au sondeur au 0800 308 5000. Donc toujours l'IRC www.fr. Donc on était un peu plus de 7000 lors de la pause. Ouais. Donc Fuldar qui est à l'area, j'espère que ça sera du bon boulot. Apolline, s'il te plaît. Bonsoir Gérard. Moins fort. Bonsoir Gérard. Bonsoir Fuldar, donc c'est Fuldar qui est à l'area. Donc le disque qu'on venait de s'écouter, c'était la Dodoche de Suren avec Emmène-moi au bois pour que je bosse. Et puis le deuxième c'était Apolline, t'as le titre du deuxième il paraît. Manu de là-bas. Donc c'est... Ah, c'est... On va le retrouver. Donc alors pour ça on va faire... Voilà, alors c'était GG Dinero avec Dans mon taxi, tu proutes gratuit. Ah, c'était... Non, ça c'est... C'est déjà bien passé bien avant, ça. Ah ouais, merde. C'était Billy Lassodo avec Bouffe-moi sur le périph', j'ai des heures au compteur. Ah ouais. Ouais, ben, on verra. Donc, petite borne de Montluçon, donc toi, on t'avait gardé parce que t'avais pas participé au deuxième... beaucoup au premier débat, donc ta préférence, c'est 102.7. Ouais, d'accord. 107.2, et... pardon. Je te remercie, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir à l'équipe. Bobo Nichon, Paris 101.9. Oui, tout à fait. Bonsoir, Bobo Nichon. Heureux de pouvoir enfin te parler, Gérard. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, Linda de Suresnes, 33 ans, 101.9. Bonsoir, c'est Linda de Suresnes. Mais alors, pourquoi ça te gêne si j'écorche le nom de... faudra peut-être éviter de me... Attendez, qui c'est qui m'a choisi ça? C'est moi, Gérard. Bon, alors déjà, j'ai horreur de voir marquer le nom sur N, d'accord? Donc c'est le premier avertissement que tu as ce soir. Ok. Pourtant, tu m'as fait un bon premier débat, mais là, là le deuxième, des noms comme ça, j'en veux pas. Ok, ah, mais je savais pas. Et Papidon Limoges. Exactly, on the air, Papidon. Pipandum. Ta fréquence, s'il te plaît. 112.2. Comment? Et voilà. 112.2. Ouais. 102.2. 102.2, oui, excuse-moi. Ouais. Ah ouais, parce que 112.2, ça m'étonnerait. J'ai dit 112, d'accord. Ouais, donc 102.2. Alors, que, deuxième débat va porter sur les emplois à domicile. Oui, et... grâce, c'est bon. On est 20 connectés sur le Minitel, Gérard, il y en a un, il y a Max Lebesch qui dit « GG, t'es le meilleur, continue ». Ouais, il a raison, de plaire. Alors, première question, quels sont les emplois à domicile que nous avons? Donc on va demander à Petite Borne. Il y a plein de choses, hein. Tu peux repasser à domicile, tu peux faire le ménage, tu peux t'occuper des vieux, tu peux t'occuper des gosses, tu peux faire plein de choses à domicile, tu peux t'occuper des mongols. Celui qui vient de dire ça va se calmer parce que tout à l'heure il va virer vite fait. Ouais, parce qu'en plus ça me plaît pas du tout. Donc qui se calme celui-là tout de suite parce que sinon je ne sais pas. C'est qui vient de dire ça, ok? Allez, le c'est Polo. Polo. Ah, Polo. D'où qui te sort celui-là, Polo? A pas commencé, bon, allez. Je sais pas. Bon, allez, vas-y, Gérard, enchaîne. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Alors donc, Petite Borne, tu voulais rajouter d'autres trucs, non? Non, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Fuldar, tu vas pas commencer tes conneries, sinon je te vire des studios pour la fin de l'émission. Mais j'ai même pas allumé mon micro. Pour l'instant, ton micro, tu le baisses et tu fermes ta gueule. Il le met en haut exprès pour bien que tu vois qu'il n'utilise pas son micro. Attends. Bobo Nichon. Ouais. Bah, écoute, moi, à la maison, j'emploie du personnel, donc j'ai trois gouvernantes, parce que j'ai quand même une grande propriété, il faut entretenir. J'ai un précepteur qui s'occupe de mes enfants, parce que moi, je les envoie pas à l'école, je préfère faire leur éducation à la maison. Et puis j'ai aussi un maître jardinier. Non mais je crois que t'as pas. Je crois que tu. Non mais. C'est des emplois à domicile, tout ça. C'est des gens que j'emploie chez moi. Ah bah ouais, ça pue le fric, mais bon, il faut bien. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elles sont bonnes au moins les souverettes? Linda. C'est déjà ça. Linda. Oui. Donc moi, là, tu as de la chance parce que j'attends justement. Un enfant. Non. Ma femme de ménage qui arrive, d'ailleurs tu vas peut-être l'entendre. Ouais, non mais attends, Linda, c'est Apolline qui t'a sélectionné. Tu retournes voir Apolline. Au revoir. Hop. Les bruits, ils montent. Bon, je sens. Le plus bas. Je sens que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais virer tout le monde. Pour calmer le débat, il y a Yankee qui demande si c'est vrai que t'es éleveur de truies à domicile. Non. Alors là, je lui réponds même pas à sa question, je lui réponds non tout de suite. Papillon. Papillon comme le chamallow. Ouais, bah des emplois à domicile, bah moi aussi, je fais le ménage chez moi. Regarder la télé, c'est un emploi à domicile, ça je pense. Mm-hmm. Parce que tu donnes de l'argent aux chaînes de télé. Tu fais de l'audimat, donc qui dit audimat dit argent. Redevance. C'est un emploi à domicile, ouais, voilà, dit redevance, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas très bien compris la question. Ah. Bon, celui qui s'amuse à faire le cheval arrête, parce que tout à l'heure, ça va éclater. Ouais. Là, je te préviens, fais gaffe. Jean, faut bien que tu précises, parce que quand tu parles d'à domicile, tu vois, ils font le rapprochement avec le Kosovo et les missiles tirés sur les Afghanistan. Oh, pas de Kosovo. Emploi à domicile, ça veut pas dire. Thomas qui discute. Oh, toi, tu fermes ta gueule, Papillon. Ah. Pas moi. Bon, lui, vous me le calmez là, en tête de suite. Justement, à la place de je sais plus qui que t'as dégagé comme un sauvage. Linda, ouais. Voilà, on accueille Baboun Hey As. Babounas. Babounas. En anglais. Bonsoir à tous. Bonjour. T'appelles d'où? Salut. T'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. C'est faux. Non, c'est pas la peine. Alors là, c'est une ségrégation. Non, parce que j'aime pas qu'on donne les villes. Les noms de villes à l'antenne, nom de Dieu. Bonne nuit. Bah attends, Gérard, s'il habite Suresnes, c'est faux. C'est comme Lille, Paris, Berlin. Il y a que deux habitants à Suresnes. Tu peux lui dire au revoir d'entrée. Il habite. Bah attendez, donc ce qu'on va faire, on va te changer de ville. Tu vas appeler de Courbevoie. Non. Vous fermez votre gueule. Toi, tu as déjà pu éteindre ton film et le micro, tu vas me prendre les gens standards. Non, mais c'est ridicule. Tu fermes ta gueule. Ok. D'accord. Tiens, il y a encore Max Lebel sur Minitel, on est 23 connectés qui dit Max, Gérard, t'es le meilleur, surtout quand tu prends la place de Max. Faut que tu continues et que tu gardes les mecs qui appellent de Suresnes parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Ouais, bah moi je l'emmerde, lui. D'accord. Et sinon, il y a Checkmate sur l'IRC, il a vu dans un magasin qu'on pouvait te louer à domicile. Bon, alors lui, j'y réponds même pas, c'est même pas la peine. Petite épipe pour 200 balles. Au revoir. Bon, alors moi je sens que de toute manière ça va aller vite fait. Celle qui s'amuse à rigoler comme une poupia s'arrête. Bon. Oh non. Alors je sens que le débat va être clos. Vite fait, bien fait. Allez, on continue là. Tu viens là parce que ça devient impossible de travailler avec eux. Alors tu prends sa place et tu le vires. Attends, mais j'ai rien fait moi, Gérard. Attends, c'est pas nos fautes, ces auditeurs, ils sont pas calmes. Non, tu dégages. Hop. Au revoir. Ah, monsieur Sorveille. Au revoir. Bon. Continue. Alors, deuxième question. Alors, comment est payé un employé de ménage à demi-debout ou autre? On va demander ça à Petite Borne. Comment est payé un employé de ménage? Improvise. Il est à te prendre la gueule parce que tout à l'heure, je vais t'éclater ta gueule, quoi. Ok? D'accord. Bah, viens, gars. Non. J'ai éternué, je voulais pas que ça s'entende à l'antenne, et toi tu crois que je me fous de ta gueule. Ah ouais. Bon Gérard, pour te calmer un peu, il y a Tommy York sur l'IRC, il demande si les SDF peuvent avoir des emplois à domicile. Oui, c'est... Sous leur pont, on m'a dit. Bon, alors là, je réponds même pas, hop, ouais. J'ai terminé. C'est pas le pont... Non, mais je réponds même pas à cette question-là. Le pont de l'Allemagne. Ouais, voilà... Merci Manu de bien préciser le pont d'Allemagne. Ouais. C'est Rigaud qui a dit ça. Non, c'est pas Rigaud, c'est Manu. Précise pas les points. Bon, toi, Papillon, tu as dit apprendre ton nom correctement. Tu t'appelles Tony, d'accord? N'importe quoi. Ouais, non, mais attention. Attention, quoi, on voit. Tony, regarde là. Allô. Bah, tu vois, j'ai pas la tête. Bon, ouais, celui-là, tu me le. Au revoir. Mais pourquoi? Au revoir! Oh, le sonneur, attention, Michel! Je l'ai dégagé, hein. Il me souffle rire. Y'a la clim qui déconne ou quoi? Il fait rien! Regarde, j'ai pas mon micro allumé! C'est la clim! Tu vois, regarde, j'ai même pas mon micro allumé, c'est pas moi! Bah, tu éteins tout et tu la fermes. Bah voilà, regarde! Ouais, bah tu la fermes pour de bon, toi, maintenant. Alors, Petite Borne. Ouais, Gérard, enfin, j'ai eu le temps de réfléchir. Ils sont payés à 42 francs et 15 centimes de l'heure. Alors, tu peux préciser ? C'est-à-dire que s'ils font 5 heures dans la journée, ils gagnent 5 fois 42 francs et 15 centimes, auquel t'enlèves effectivement les 20% patronal. La clim... Gérard ? C'est les mésanges, hein. Ah bon ? Elles ont bouffé les trucs. Sont chelous, hein. GG à la place de Pipadom, on accueille Aspirator, 26 ans de Toulouse. Je te préviens. Aspirator. Attention au nom, parce que si c'est les mêmes, ouais. Ça va gerber. Pas de problème. Donc, c'est Aspirator. Aspirator, bonsoir. un trablo. Non, j'ai des problèmes de voix. Ouais, Aspirator. Ta fréquence. Ta fréquence. Mais plus bas. 101.9, j'appelle de Rueil. Bon, alors... Non, mais... Non, attends, Apolline, là, pour l'instant, t'es en train de te foutre de ma gueule, gros comme une maison. Non, mais c'est tu te fous de ma gueule. Donc, Apolline, maintenant, c'est terminé pour toi, tu arrêtes le standard. Terminé. Tu arrêtes de vivre. C'est terminé. Tu arrêtes. Bon, alors, terminé, allez, hop, terminé pour le trablo, tu le vires, hop. Attends, je voulais dire, c'est Max. Bon, tu y allumes son micro. Ouais, vas-y, parle. Bah ouais, mais bien sûr. Il est pas branché, putain. Oh. Après, il a l'air que c'est moi qui fais de la mauvaise réa. Non, dégage. Hop, donne le micro à Max s'il veut parler. Oh, on verra après. Bah, je voulais dire que c'était sympa. Voilà, il veut dire que c'est sympa, on s'éclate. Allez, continue, Michon. Tu me parles sur un autre ton, toi, d'accord ? Je suis pas ton PD. Hein ? Ok. Je couche pas avec toi, d'accord ? Je couche. T'as mis pas à me faire avec ta langue, parce que tout à l'heure, tu vas te prendre dans ta gueule le CD. Gérard, tu mets pas les dents. Gérard. Ouais, Rigaud. Sur IRC, il y a Turpentine, elle demande si c'est vrai que t'as engagé un urineur à domicile pour Jouisseuse Mystère. Ouais, c'est vrai. J'y réponds pas, elle va se faire enculer, c'est une connasse. Tu peux lui y mettre, hein. Comme ça, elle comprendra. Alors, Bon, tu m'as viré le trablo, là ? Ouais, non, direct. Il y a encore l'oiseau, pourtant. Bon, alors, petite borne. Ouais, Gérard, je crois que je t'avais répondu. Je t'avais dit que c'était 42 francs 15 de l'heure. Et t'enlèves les 20% patronal. Je sens que tout à l'heure, dans l'équipe, ça va choper à la fin de l'émission. Parce que le débat, si vous me faites chier... Pas comme les débats, c'est bien quand même. Ouais. Attends, ton micro il est même pas branché. Ouais, mais alors quand ça se fait ça. Alors. Mais alors pourquoi ? Parce qu'ils sont là. Non, le câble il a été enlevé pour le studio d'à côté. Oh non. Je prends des gens en standard, moi. Gérard, sans déconner. Non, mais moi je continue pas dans des conditions comme ça. Bah ouais, mais gère un peu le standard, attends-moi. Tout à l'heure, Apolline était toute seule au standard, c'était impeccable. Attends, toi t'es même pas capable de faire ta réa, t'es en train de. J'attends. Attends ton micro et tu fermes ta gueule. Ouais, bah j'ai pas mon micro. GG, à la place du Travelo, on accueille Balayette, 30 ans de Bourg-en-Bresse. Fais-moi confiance que pour l'instant je vous ai pas vu prendre une seule ligne. Là les 24 lignes. C'est parce que tu regardes mal. Ouais, tiens. Bonsoir à tous, c'est Badoyat. Salut Badoyat. Bonsoir. Je suis homme de ménage à Bourg-en-Bresse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir Gégé. Salut. Donc tu veux répondre ? Ouais, mais il faudrait que tu me répètes la question. Non, je répète plus les questions. Les salaires. Bah moi, comme je travaille en tant qu'homme de ménage, je touche 40 francs de l'heure. Sans compter les primes. Non, mais attends, là déjà une pour commencer. Oui. Si tu es homme de ménage, tu n'as pas de primes, d'accord ? Ok ? Bah, tu sais, j'ai des primes, c'est-à-dire si. Ouais, tu as des primes en te faisant sucer, c'est ça ? Oh là. Non, c'est un peu vulgaire ce que vous dites là, monsieur. Hein. Ouais, bah alors, je vais te dire une chose, monsieur. Monsieur est en merde, d'accord ? D'accord. Pardon. Ok. Bobonichon là. Ouais, Bobonichon. Bah écoute, moi, mes hommes, mes femmes de ménage, tout ça, je les loge. Donc ça fait partie de leur salaire, en fait. Si tu veux, ils sont logés, ils sont nourris. Et puis le fric. Ah bah voilà, voilà justement. Blanchis. Voilà la question que j'attendais. Ils sont blanchis aussi de la caverne. Et surtout pour les filles. Et voilà quoi. Donc je sais pas, à partir du moment où ils font la bouffe à la maison, bah ils peuvent au moins profiter de ce qu'ils font, donc ils mangent à la maison, ils dorment à la maison, quoi. Donc ils sont payés, bah rien du tout, ils sont payés en nature. Non, bah voilà, donc voilà la question que j'attendais de tout le monde. Laquelle ? C'est que ça, voilà. Donc, maintenant, savoir, est-ce qu'il y a des emplois qui sont... Est-ce qu'on trouve encore des emplois comme ça, où qu'on peut être nourri, logé, blanchi? Ouais, si tu veux, moi, par exemple... Qui c'est toujours Bobo Nichon. Moi, les servantes, je les blanchis mieux que le jardinier, par exemple, parce que j'ai des préférences. Il y a quand même un petit peu du favoritisme. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je suis nourri, logé, blanchi, baisé, hein. Ouais. C'est vrai. Non, attends, toi, pour l'instant, tu as t'affirmé. Mais vous leur donnez de l'argent de poche quand même? Non, ils sortent pas. De toute façon, ils sont toujours à la maison en train de travailler. Attends, Bobo Nichon. Ouais. Par exemple, s'ils te demandent des cigarettes, est-ce que tu leur payes ou pas? Ouais, non, ça, je sais pas. Ils vont voir avec le jardinier. On a des plans de tabac au fond de la propriété. Non. Ouais, bah alors, ouais, on va dire oui, bien sûr. Tout à fait. Gérard? Il y a bien des petits plaisirs dans la vie quand même. Mm-hmm. Sur IRC, il y a Yankee qui te remercie de la part de Brigitte Bardot pour avoir sauvé Willy et lui avoir donné un foyer. C'est beau. N'importe quoi la question. C'était hors cœur. Qu'est-ce qui nous reste qui n'a pas répondu? Il reste Babounas. Ouais, bah vas-y. Donc, je voudrais dire que c'est une question très pertinente et très intéressante. Et donc, moi, j'ai plusieurs femmes de ménage chez moi et plusieurs jardiniers, mais je préfère pas les payer à demi debout, mais plutôt au noir, ça revient moins cher. Oula. Mmh. Non mais de toute manière, moi, encore un mec de l'internet. Hein. Ah non, direct. On se reconnaît aux phrases directes. C'est plus drôle sur un écran. Mais trop de majuscules là dans tes phrases. Ouais, je peux la faire moins rapidement si vous voulez. Pas de couleur, vas-y, c'est pété. Donc, je disais que je préférais pas payer à demi debout, mais plutôt au noir. Rigo, qui pleut. Que ça revenait moins cher. Pique le rigot, banne-le. Bon, donc, la question, de toute manière, je pense qu'on a fait à peu près tout. Le seul qui a pu répondre. Ça brille là. Oh là, pas de cristalline. Il y a une chourie. Bah, le chef, il va être gentil. Il est pas le de ninja. Direct. Hop là. Je suis prévenu, Pildar. Shadow Dancer. C'est pas la truc. Non, c'est Michel Thor qui chante Sardou. Oh là, brasse. Non, c'est abusé là. C'est quand même les éditions Atlas. Tu peux pas travailler là. C'est dire si c'est bien. Alors, une infirmière peut-elle... Yes. Gérard. Ah, qu'on se poursuive dans le couloir. C'est ingérable, ces débats, là. Ah, trop fort. C'est bon, ce soir. Gérard. C'est du mouvement. C'est un peu de bon, ça. Oh, Gérard. J'ai mon standard dans ma grosse tête, Gérard. Ça joue ça, il y a... Oh, virez-la, c'est là, on dirait. Reviens, Gérard. Le débat. Tu fermes ta gueule. Non, oui. Tu fermes ta gueule. On va peut-être descendre. Ferme ta gueule. Allez. Ouais, bah ouais. Faites gaffe, il y a des jingles qui passent. Ouais. T'as intérêt de te méfier à ça. Il n'y a pas le micro, regarde. Ouais. Donc, alors, une infirmière. Bon. Hé, qui c'est qui s'amuse avec ce putain de remix, là? Je viens d'arriver, moi. Ouais, tu viens d'arriver, pauvre con. Hydraulique. Et là, vous allez arrêter avec cette histoire de jouissance, hein. Parce que ça commence à bien faire. Ah. Bon, allez, hop. Troisième question, un disque. Hop. Non, pas tout de suite. Si. Reprenons le départ dans le cadre. Non. Un disque, hop, donc, terminé. Hop. Un disque. Vous allez réfléchir. Une infirmière peut-être perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres. On se retrouve après. Donne-moi. Bon alors le disque. Il arrive. Allez, bouge, t'arrêtes un peu. J'arrive, Gérard. T'es sérieux? Vas-y, termine-toi. Oh merde, j'ai bloqué la machine. Oh, alors c'est pizza, pine-moi, avec caresse-moi, entre les cuisses à domicile. Répète. Vas-y, encore. Encore. Alors c'est pizza, pine-moi. Encore. Avec caresse-moi, l'entre-cuisse à domicile. Encore. Vas-y, encore une fois. Qu'il trouve le disque, faut que tu le répètes encore. Dis le plus lentement. Plus jamais. Faut pas faire de blanc, la radio. T'es payé à quoi faire, là? Faut pas faire de blanc. T'es payé à quoi faire, à te branler? Mais non, ça vient, Putain de merde. Ça vient, répète, c'est bon. Putain de merde. Ah, c'est bon. Plus le disque, tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies et c'est tout. Et maintenant, vous allez me faire du bon boulot, sinon je vous vire tous.